L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, le samedi 7 mars, une collecte solidaire est organisée au marché central au profit des frigos solidaires. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en troisième année de licence à l'IAE de Nancy, c'est ça ? Exactement. Et donc, avec trois autres collègues, vous avez organisé quelque chose autour des frigos solidaires. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, on organise à le cadre de notre projet collectif, en partenariat avec l'association Les Frigos Solidaires, une collecte alimentaire au marché central. Pour vous dire, en gros, les frigos solidaires sont des réfrigérateurs en libre-service qui sont accessibles à tous. Et le principe est simple, chacun peut déposer ou récupérer gratuitement des denrées alimentaires consommables. C'est dans ce cadre que nous organisons une collecte alimentaire le samedi 7 mars de 11h à 18h. À l'extérieur du marché central de Nancy. Le but de cette collecte, c'est récolter des denrées non périssables pour approvisionner les frigos solidaires de la ville. C'est dans le cadre de vos études que vous avez organisé cette collecte ? Exactement. C'est en tant qu'étudiant, nous sommes conscients qu'il y a des jeunes et des familles qui sont en précarité. Et donc, pour venir en support à l'association, nous avons organisé cette collecte dans le but de leur permettre d'approvisionner leur frigo solidaire. Qu'est-ce qu'il faut apporter dans un frigo solidaire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Dans un frigo solidaire, on peut mettre des denrées non périssables, les conserves, des légumes, des pâtes, des poissons, des féculents, tout ce qui est non périssable. Parce qu'en fait, si on met des denrées périssables, ça va briser la chaîne de froid. Donc on évite tout ce qui est viande, poisson et les denrées non périssables sont de préférence, oui. C'est la première fois que vous organisez une collecte comme celle-ci ? Oui, c'est la première fois qu'on organise une collecte comme celle-ci, mais je sais que de ma connaissance, ils ont déjà organisé les frigos solidaires, ils ont déjà fait des collectes, mais nous, dans notre cadre de notre projet, oui, c'est la première fois. Pouvez-vous nous dire quel type d'études vous faites à l'IAE de Nancy ? Oui, à l'IAE de Nancy, je fais des études de comptabilité contrôle audit. Je suis en troisième année en L3. Et pour mes collègues, ils sont en AES, en administration des entreprises. Et le fait de s'engager dans une action telle que celle-ci, car on s'éloigne peut-être un peu de la comptabilité, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous permet déjà de nous engager directement dans une action utile, locale et d'être au service des personnes dans le besoin. Et ça nous permet aussi d'agir directement sur le terrain et de soutenir les dispositifs sociaux implantés directement à Nancy. Donc concrètement, pour vous aider, redites-nous, vous êtes le samedi 7 mars, à partir de quelle heure et qu'est-ce qu'on vous amène ? La collecte se déroule le samedi 7 mars à partir de 11h jusqu'à 18h. Nous aurons besoin des denrées non périssables directement, des denrées comme les conserves, les féculents, les produits secs et tout ce qui est non périssable. Donc nous invitons tous les Nancyliens à venir participer à cette collecte et un petit don peut faire une grande différence. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.